Et bien sûr, l'année prochaine, nous nous rencontrerons pour l'extravaganza mondiale Herbalife 1994 d'$1 milliard. Nous rencontrerons ensemble le monde entier si nous pouvons pousser jusqu'ici à Disney World, à Orlando, en Floride, où nous nous rencontrerons tous une fois de plus. Regardez ça. Bienvenue à Herbalife. Nous allons rapidement faire quelque chose. Je voudrais que tous ceux qui ont perdu du poids dans cette salle se lèvent. Levez-vous, s'il vous plaît. Wow! Avant tout, je voudrais dire quelque chose sans tenir aucun compte de ce que vous êtes dans la société Herbalife. Votre travail à tous est très apprécié. Nous voulons remercier ceux qui restent dans l'activité, qui travaillent continuellement au fil des années. C'est la chose la plus importante. Voici votre montre Cartier ce soir et merci de tout mon cœur pour vos qualités de leader. Portez-la avec fierté. Félicitations à vous et Lori. Réjouissez-vous des hivers qui vont suivre, car vous serez plus fort, vous serez meilleur. Grâce à cette extravaganza, vous pourrez faire des choses que vous n'auriez pu faire avant cet événement. Pensez à ces si nombreuses vies qui vont changer grâce à la formation que nous avons eue ici cette semaine. Je suis sûr que des miracles vont se produire. Ces 4 prochains jours vont complètement changer la vie de tout le monde ici. Pour vous et pour ceux qui vont participer à la croisière. Vous participez à une session de très haut niveau. Le succès amène le succès. Je suis persuadé qu'il est plus facile de construire cette activité rapidement que de la construire lentement. Mais dès que vous pensez à un plan d'action, vous devez toujours vous poser la question s'il peut être dupliqué. Est-ce que les gens pourront faire ce que je vais faire? Cette activité s'est construite sur des principes d'honnêteté, d'intégrité, de dur travail et de fierté. Si vous pouvez avoir ces mêmes principes, vous aurez également du succès. La vraie star de ce spectacle, ce n'est pas nous, ce n'est pas le President's Team, mais les produits. Il n'y a aucun doute. Faire de la vente au détail et intéresser les gens aux produits est la clé de notre activité. Pour de bons résultats, construisez votre base avec la vente au détail. Utilisez les produits, portez le badge et parlez aux gens. Tout ce que vous faites chez Herbalife, en fait, est une habitude. Prenez et développez de bonnes habitudes. Mais ce qui est vraiment important, et c'est à mon avis la clé de votre activité, c'est de faire un suivi de ces gens dès que vous leur avez fait commencer le programme. Ce que vous devez faire, c'est laisser parler votre cœur. Et c'est comme ça que les choses ont commencé à bouger pour moi. Notre engagement envers vous est d'apporter les meilleurs produits à tous et au monde entier. Faites le point sur toutes les choses que vous avez apprises cette semaine et mettez-les en pratique. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai été enthousiasmé de voir cette convention pour enfants. La Kids Convention a été fantastique pour tous. Tout particulièrement pour les mamans, je suis vraiment reconnaissante. Pour moi, c'était formidable, car ils ont pu se retrouver avec de nombreux autres enfants venant de nombreux pays différents, avec des couleurs de peau différentes, parlant des langues différentes. Et pour moi, c'était quelque chose de vital. Alors voici la petite fille qui s'est mariée aujourd'hui. Je m'appelle Shiloh. Les leaders de demain sont certainement les enfants d'aujourd'hui, sûrement parmi les 1800 qui étaient présents la semaine dernière. Et peut-être que dans l'avenir, nous aurons des conventions encore plus importantes et plus grandes que cette garderie de la Kids Convention. Ma femme et moi avons mis sur pied quelque chose que nous faisons au nom de vous tous. Nous en avons parlé un peu lorsque nous étions en tournée cet été. Il s'agit d'une fondation pour les enfants et qui s'adresse spécialement à l'éducation des enfants. Et surtout l'éducation pour nous et notre famille et pour tout le monde en général. Cette fondation prévoit d'apporter une éducation afin que nous puissions rendre la vie plus facile à vivre. Nos enfants le méritent bien. Nous avons décidé de nommer la fondation au nom de tous les distributeurs. Nous l'appellerons la Herbalife Family Foundation, et elle commence aujourd'hui. Car vous avez fourni un travail incroyable, et voici un signe de notre appréciation. C'est au nom de tous les distributeurs Herbalife qui apportent leur soutien à nos enfants, pas seulement la famille Herbalife, mais tous les enfants du monde. Nous voulons vous prouver notre gratitude avec ces 250 000 dollars aujourd'hui. Continuez le bon travail. Vous devez savoir que vous faites partie d'une organisation qui a fait énormément pour nos enfants. Ce que vous faites pour la santé de ce pays, nous le faisons pour la santé de nos enfants. Si on m'avait dit, il y a 15 ans, que je serais ici à Orlando, en Floride, avec la ville presque entièrement remplie de distributeurs Herbalife, je n'y aurais pas cru. Votre succès, la direction que vous prenez dans votre vie, est seulement possible grâce à votre imagination et à votre dur labeur. Vous passez par différents stades et cela commence par le fait de participer à une réunion, comme celle à laquelle vous participez aujourd'hui. C'est l'opportunité la plus fantastique que j'ai eue et c'est une extravaganza merveilleuse. Il y en a pour tout le monde, y compris les enfants. John a dû me forcer pour venir ici, mais je vais m'assurer que tous mes distributeurs viendront à l'avenir parce que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Je serai toujours là, à chaque extravaganza, pour le restant de ma vie. Maintenant, après 3 jours d'extravaganza, j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Je me suis fait plein d'amis et je m'amuse énormément. C'est la meilleure chose à laquelle j'ai participé de toute ma vie. Cela fait la deuxième maintenant et ça déménage. Grâce à l'extravaganza, je vais rentrer et dire à tout le monde « Tu ne vas pas le croire. Tu ne vas simplement pas le croire. » Pour tous ceux qui ne sont pas venus, faites de votre mieux pour être présents à la prochaine extravaganza, car il n'y a rien de tel dans le monde entier.